On entra dans la vaste cuisine de l'auberge et l'Allemand, s'étant fait présenter les autorisations de départ signées par le général en chef et où étaient mentionnés les noms, le signalement et la profession de chaque voyageur, examinant longuement tout ce monde, comparant les personnes aux renseignements écrits. Puis il dit brusquement « C'est bien !» et il disparut. Alors on respira, on avait faim encore. Le souper fut commandé, une demi-heure était nécessaire pour l'apprêter, et, pendant que deux servantes avaient l'air de s'en occuper, on alla visiter les chambres. Elles se trouvaient toutes dans un long couloir que terminait une porte vitrée marquée d'un numéro parlant. Enfin, on allait se mettre à table, quand le patron de l'auberge parut lui-même. C'était un ancien marchand de chevaux, un gros homme asthmatique, qui avait toujours des sifflements, des enrouements, des chants de glaire dans le larynx. Son père lui avait transmis le nom de Follenvie. Il demanda « Mademoiselle Elisabeth Rousset ?» Boule de Suif tressaillit, se retourna « C'est moi ?»« Mademoiselle, l'officier prussien veut vous parler immédiatement. »« À moi ?»« Oui, si vous êtes bien Mademoiselle Elisabeth Rousset. » Elle se troubla, réfléchit une seconde, puis déclara carrément « C'est possible, mais je n'irai pas. » Un mouvement se fit autour d'elle. Chacun discutait, cherchait la cause de cet ordre. Le comte s'approcha. « Vous avez tort, madame, car votre refus peut amener des difficultés considérables, non seulement pour vous, mais même pour tous vos compagnons. Il ne faut jamais résister aux gens qui sont les plus forts. Cette démarche assurément ne peut présenter aucun danger. C'est sans doute quelque formalité oubliée. » Tout le monde se joignit à lui, on la pria, on la pressa, on la sermonna, et on finit par la convaincre, car tous redoutaient les complications qui pourraient résulter d'un coup de tête. Elle dit enfin « C'est pour vous que je le fais, bien sûr. » La comtesse lui prit la main « Et nous vous en remercions. » Elle sortit, on l'attendit pour se mettre à table. Chacun se désolait de n'avoir pas été demandé à la place de cette fille violente et irascible, et préparait mentalement des platitudes pour le cas où on l'appellerait à son tour. Mais au bout de 10 minutes, elle reparut, soufflant, rouge à suffoquer, exaspérée. Elle balbutiait « Oh la canaille, la canaille !» Tous s'empressaient pour savoir, mais elle ne dit rien. Et comme le comte insistait, elle répondit avec une grande dignité « Non, cela ne vous regarde pas, je ne peux pas en parler. » Alors on s'assit, autour de la haute soupière d'où sortait un parfum de chou. Malgré cette alerte, le souper fut gai. Le cidre était bon, le ménage, l'oiseau et les bonnes sœurs en prirent, par économie. Les autres demandèrent du vin, Commudet réclama de la bière. Il avait une façon particulière de déboucher la bouteille, de faire mousser le liquide, de le considérer en penchant le verre, qu'il élevait ensuite entre la lampe et son œil pour bien apprécier la couleur. Quand il buvait, sa grande barbe, qui avait gardé la nuance de son breuvage aimé, semblait tressaillir de tendresse. Ses yeux louchaient pour ne point perdre de vue sa chope, et il avait l'air de remplir l'unique fonction pour laquelle il était né. On eût dit qu'il établissait en son esprit un rapprochement et comme une affinité entre les deux grandes passions qui occupaient toute sa vie, le Pellal et la Révolution. Et assurément, il ne pouvait déguster l'un sans songer à l'autre. Monsieur et Madame Follenvie dînaient tout au bout de la table. L'homme râlant comme une locomotive crevée avait trop de tirage dans la poitrine pour pouvoir parler en mangeant. Mais la femme ne se taisait jamais. Elle racontait toutes ses impressions à l'arrivée des Prussiens, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils disaient, les exécrant d'abord parce qu'ils lui coûtaient de l'argent et ensuite parce qu'elle avait deux fils à l'armée. Elle s'adressait surtout à la comtesse, flattée de causer avec une dame de qualité. Puis elle baissa la voix pour dire les choses délicates. Et son mari, de temps en temps, l'interrompait. « Tu ferais mieux de te taire, Madame Follenvie. » Mais elle n'en tenait aucun compte, et continuait. « Oui, madame, ces gens-là, ça ne fait que manger des pommes de terre et du cochon, et puis du cochon et des pommes de terre. Et il ne faut pas croire qu'ils sont propres. Oh non, ils ordurent partout, sauf le respect que je vous dois. Et si vous les voyez faire de l'exercice pendant des heures et des jours, ils sont là, dans le champ, ils marchent en avant. » Et ils marchent en arrière, et tournent par ici, et tournent par là. S'ils cultivaient la terre au moins, ou s'ils travaillaient aux routes dans leur pays, Mais non, madame, ces militaires, ça n'est profitable à personne. Faut-il que le pauvre peuple les nourrisse pour n'apprendre qu'à massacrer? Je ne suis qu'une vieille femme sans éducation, c'est vrai. Mais en les voyant qui s'esquintent le tempérament à piétiner du matin au soir, je me dis, quand il y a des gens qui font tant de découvertes pour être utiles, faut-il que d'autres se donnent tant de mal pour être nuisibles? Vraiment, n'est-ce pas une abomination que de tuer des gens, qu'ils soient prussiens, ou bien anglais, ou bien polonais, ou bien français? Si l'on se revanche sur quelqu'un qui vous a fait du tort, c'est mal, puisqu'on vous condamne. Mais quand on extermine nos garçons comme du gibier, avec des fusils, c'est donc bien, puisqu'on donne des décorations à celui qui en détruit le plus. Non, voyez-vous, je ne comprendrai jamais cela. Comudet éleva la voix. La guerre est une barbarie quand on attaque un voisin paisible. C'est un devoir sacré quand on défend la patrie. La vieille femme baissa la tête. Oui, quand on se défend, c'est autre chose. Mais si l'on ne devait pas plutôt tuer tous les rois qui font ça pour leur plaisir? L'œil de Comudet s'enflamma. Bravo, citoyenne, dit-il. Monsieur Carré-Lamadon réfléchissait profondément. Bien qu'il fût fanatique des illustres capitaines, le bon sens de cette paysanne le faisait songer à l'opulence qu'apporterait dans un pays tant de bras inoccupés et par conséquent ruineux, tant de forces qu'on entretient improductives, si on les employait aux grands travaux industriels qu'il faudra des siècles pour achever. Mais l'oiseau, quittant sa place, alla causer tout bas avec l'aubergiste. Le gros homme riait, toussait, crachait. Son énorme ventre sautillait de joie aux plaisanteries de son voisin, et il lui acheta 6 feuillettes de Bordeaux pour le printemps, quand les Prussiens se répartirent.